Cette émission est une présentation de RZO. Pour plus de podcasts et web télé, rendez-vous sur rzoweb.com. Salut, ici Denis Talbot. Frank the Tank. Ian Richards. De l'émission Radio Talbot. On espère que vous aimez l'émission que vous écoutez en ce moment. Ça s'appelle Réalité Augmentée avec JB Gagné, Luc Desormeaux et Daniel Carosella. C'est pas les meilleurs, mais sont sympathiques. Et j'espère qu'ils vont nous payer. Shut up and take my money! Salut tout le monde et bienvenue dans la réalité augmentée, la techno à un autre niveau. Je recommence à le dire, le sous-titre, grâce à Luc. Merci Luc. Oui, parce qu'on a parlé techno une fois. La semaine passée avec la Gear Pro, c'est ça, hein, c'est le bon nom. Là. C'est en plein ça. Ben oui, on est de retour. Nouvelle émission. Mon nom, Jean-Benoît Gagné, votre animateur pour ce beau programme. Ça me fait extrêmement plaisir d'être là, même si la semaine est encore une fois très intense. Cette semaine, plein de trucs qu'on va vous parler. Avant, ben là, j'ai accueilli Luc, mais faisons-le aussi avec Dan. Salut, Dan! Hello, messieurs! Daniel Carosella, pour le nom complet, ça. Et Luc Desormeaux, mes collaborateurs. Encore une fois, c'est un plaisir d'être avec vous autres. Comment ça a été votre semaine, vous, chacun de votre bord? Est-ce que la vie va vite? Moi, ça, c'est l'enfer, ça va tellement vite. Luc, toi, de ton bord, tu dis des petits trucs? Ça passe assez vite, oui. C'est assez incroyable. Occupé à l'ouvrage, occupé dans les passe-temps, puis les podcasts et tout. Ouais, c'est assez infernal. Mais on va dire, c'est occupé le fun, pas occupé pas le fun. Donc, on le prend. C'est au moins ça. D'ailleurs, tant qu'à t'avoir sous la main, de quoi qu'on va parler avec toi cette semaine? Moi, je vais parler d'un beau petit jeu. Tu sais, Daniel, des fois, fait des passes sur la palette. Des fois, il nous dit à quoi s'attendre. Des fois, il nous dit pas pantoute. Moi, il m'a donné un jeu sur Steam que j'ai joué en me disant simplement, Luc, voici un Tower Defense. Est-ce que ça tente de le jouer? Je me suis dit, c'est pas vraiment mon style de jeu, Plant and Zombie, des choses comme ça, mais moi, le faire pareil pour, moi, me sacrifier pour la cause. Et puis, le jeu, c'est Counting Kingdom. Ça donne être un jeu de mathématiques Tower Defense qui s'adresse aux 6 à 8 ans, donc en plein dans mon quotient intellectuel. C'est ciblé, je vais vous en parler. Ouais, je vais vous en parler un peu plus tard. Good. Éducatif en plus, ça a l'air bien fun. On va en parler un petit peu plus tard. Toi, Daniel, à part pitcher des jeux sans le savoir au monde, de quoi tu nous parles cette semaine? De quoi je vais vous parler? Je sais pas, j'ai tellement mal à la tête. Si vous, ça va vite, moi, ça va vite, mais c'est très chargé de ce temps-là. Je vais vous parler, en fait, d'un jeu, comment on pourrait dire ça? C'est des énigmes, c'est des causes judiciaires aussi, on sait que ça me connaît. Fait que c'est ça, je vais vous parler d'un jeu sur 3DS qui mélange des énigmes, des causes judiciaires. Fait que je vous dévoile pas le nom tout de suite. Mais ceux qui suivent un peu l'actualité ou qui, en fait, s'intéressent à la console de Nintendo vont savoir de quel jeu je vais parler. Ouais, un nom de 12 pieds de long, là. À peu près, oui. Les experts, le CSI New York, non? Voilà, exact. Non, ça n'a pas 12 pieds de long. Fait que faut que tu trouves un nom plus long que ça. Oui, c'est correct. Et moi, je vais vous parler de Platform Mines. Un petit jeu bien intéressant. Pour vrai, cette semaine, un jeu le fun, pas très long. Mais fort agréable, un peu dans le genre Mutant Mods Deluxe que j'avais parlé il y a quelques semaines de cela. Avant, allons-y avec nos fails de la semaine. J'en ai une, Dan en a deux, fait qu'on va commencer le premier avec toi, Dan. Après ça, je vais y aller. Après ça, tu vas revenir. On va essayer de... Parce que trop de Dan en même temps, on s'entend. Ouais. Moi, j'ai un win, je vais faire c'est ça trop... par exemple. OK. Non, mais trop de Dan, c'est trop agréable. C'est ça que tu voulais dire. C'est en plein ça. C'est beau de se percer dans les illusions, mais bon. Tu veux nous parler de NHL cette semaine? Qu'est-ce qu'il y a là? Oui, OK, c'est un jeu pas complet, mais de quoi précisément tu veux pas nous... tu veux nous parler? Bah, en fait, c'était de ça. C'est fini, merci. Non. Non, ben, on a reçu un commentaire d'un auditeur, en fait, qui disait « Ouais, je pense que Dan en avait déjà parlé de NHL, comme quoi ça allait pas être fameux, mais j'aimerais ça qu'il en reparle sur le show. Ben, » Effectivement... mon ami. Ben oui, ben en fait, cet auditeur qui s'appelle Jerry Godbout, pour ne pas le nommer. Non, donc, il est pas Non, non, mais... Fait que Jerry, mon ami Jerry, NHL 2015... bon, les critiques sont vraiment pas bonnes. Ben, elles sont pas bonnes. On dirait qu'il y en a qui ont vraiment axé leurs critiques sur l'aspect visuel qui a l'air quand même assez relevé, puis c'est pas mal ce qu'il y a d'intéressant dans le jeu. Pour le reste, on le sait que, en tout cas, la version pour la nouvelle génération, c'est assez limité, merci. Moi, au début, j'y croyais pas. Je pensais pas qu'Electronic Arts pousserait l'audace jusqu'à lancer un jeu aussi incomplet sur le marché. Bon, je sais que ceux qui sont membres EA Access, ils ont eu accès en avance, mais je me disais, ah, oh, c'est peut-être juste une version démo, ça se peut pas que ça soit le jeu complet. Non, mais une version démo, oui, c'est normal qu'elle soit pas complète. C'est juste... pas normal que la version finale soit pas complète, là. Ben là, c'est parce que là, c'est plus qu'incomplet, là. Tu sais, quand t'es rendu à même pas mettre les 3 étoiles du match dans le jeu, il y a un problème. Pour vrai, moi, j'ai entendu plein d'affaires, là, sur ce jeu-là. J'ai plein d'amis qui l'ont, mais j'ai pas entendu dire qu'il y avait pas les 3 étoiles du match, là. Tu me niaises, là. Non, dans la nouvelle génération, pas sur Xbox 360 puis PlayStation 3, ça, c'est présent. Mais sur Xbox One puis PS4, t'as pas les 3 étoiles du match, t'as pas le feedback du coach dans le mode Be a Pro, t'as pas les ligues simulées en ligne, t'as pas... Écoutez, la liste est vraiment longue, là, de missions. Puis c'est pas des petites, là. C'est des bases... Ben, en fait, c'est des nouveautés que Electronic Arts avait intégrées dans les derniers volets de la série NHL, puis qui avaient fait leur preuve, puis même qui élevaient la série à un autre niveau. Là, on a carrément tout coupé ça. Puis là, il y en a qui vont dire « Ouais, mais c'est peut-être parce que EA a pris trop de temps pour finalement analyser les nouvelles consoles, s'adapter à elles. » Moi, je vous le dis, là, c'est de la bullshit. Parce que l'an dernier, quand NHL 2014 était sorti, j'avais rencontré le producteur du jeu, qui est producteur de la série NHL depuis un bon petit bout, et j'avais posé une question sur les nouvelles consoles, puis ce qu'il entrevoyait comme possibilité. Et ce qu'il m'avait répondu l'an dernier, là, c'est que ah oui, les nouvelles consoles, c'est... écoutez, ça va être génial, on va vous offrir l'an prochain un jeu, c'est top on the top, vraiment là, ça ouvre plein de possibilités, puis on les a étudiés, on apprend à travailler avec, mais ça c'était l'an dernier, là, fait que là c'est pas une excuse qui est valable aujourd'hui, on s'entend, là, pour avoir coupé autant, ça juste c'est pas de bon sens. C'est même pas la moitié de NHL 2014, tellement qu'il y a d'options qui ont été enlevées. Puis là, Electronic Arts, pour un peu faire son mea culpa, dit « Ah, ben, les options vont être ajoutées au fil des prochains mois, peut-être dans des mises à jour. » Ben oui. Fait que, ben oui. Fait que toi, t'as acheté ton jeu 75$ à peu près avec les taxes, puis là, ben, t'attends finalement les mises à jour pour peut-être, potentiellement, on sait pas, avoir un jeu complet. Fait que, tu sais, je trouve ça pathétique. Puis Electronic Arts, je trouve que depuis quelques jeux, ratent leur lancement pour, au niveau des grosses franchises. Hein. Il y a eu SimCity, il y a eu Battlefield 4. Là, il y a eu The Sims 4 qui a planté aussi. C'est vraiment pas fameux. Puis ça pourrait très bien signifier la fin de la série The Sims parce que, en fait, le producteur du jeu a dit que si The Sims 4 n'était pas un succès, il n'y aurait pas The Sims 5. Puis là, il y a NHL 2015. Ouais, des promesses. Ouais, non, c'est ça. Mais NHL pour EA n'est pas une grosse franchise. First, on va se le dire, parce que l'an passé, ce qu'on reprochait, c'est que le nouveau moteur graphique qu'il y avait sur FIFA et NFL n'était pas sur NHL, et moi c'est la raison principale pourquoi j'ai pas acheté le jeu. C'est pas vrai que tu vas me faire acheter à plein prix un jeu le même prix que les autres, là, les autres franchises, pour un jeu qui a pas les mêmes composantes à l'intérieur. Puis là, cette année en plus, tu me dis tu vas payer le même prix mais on t'enlève des mods. On t'en enlève. En tout cas, bref, je vais rester poli, là, mais on t'en enlève beaucoup. Mais non, c'est vrai que le hockey en tant que tel, tu sais, c'est pas le sport qui va rejoindre le plus grand bassin de population. Au Canada, oui, mais aux États-Unis, on le sait que il y a certains marchés qui connaissent du succès, mais c'est pas le sport le plus populaire. Fait que c'est sûr que comparativement au football américain ou au soccer, tu rejoins pas une aussi grande population, un aussi grand bassin de joueurs, donc c'est sûr que c'est pas une franchise sur laquelle il est mis autant, mais je trouve ça tellement une insulte pour... Tu sais, il y en a des fans là, de NHL, là, je sais qu'ils l'achètent année après année, là, même s'il n'y a pas grand-chose de nouveau. Mais là, là, c'est... Moi, je croyais pas qu'on pouvait, à ce point-là, être arriéré puis dire qu'on va lancer un produit aussi incomplet sur le marché. Je suis désolé, là, mais ça, c'est un de mes plus gros fails, je pense, de l'année. Je vois pas lequel qui va réussir à battre ça. C'est surtout que, tu sais, dans 4 mois, là, tu vas aller dans ta boutique. Là, oui, toi, petit consommateur, tu vas aller acheter d'autres jeux. Là. Tu vas avoir l'impact là, des vieux NHL 2015 à 5$ dans l'usager. Ouais. Ben oui. Dans 4 mois, ils vont peut-être te sortir un nouveau mode de jeu, mais on va déjà être plus en train d'y jouer. T'sais. Les jeux de sport ont cette durée de vie-là que si tu mets pas tout le contenu quand ça sort puis que t'es pour le mettre plus tard, ça se peut que le monde joue même plus au moment de l'avoir. Ah, c'est clair. Ouais, mais ce qui est poche, c'est qu'ils ont pas de compétition. Il y a personne d'autre qui fait un jeu de hockey, fait qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent, puis ceux qui veulent vraiment jouer au hockey, ben ils vont l'acheter pareil. C'est vrai. Ben, mais c'est-tu de l'arrogance à l'état pur pareil? C'est EA, ils sont rendus comme ça. C'est une compagnie qui a aucun respect pour ses fans, pour le monde qui achète leur jeu. Ils font juste sortir une cochonnerie avec un gros nom, puis ben ils espèrent que le monde va l'acheter, puis c'est ça. Mais en même temps, Dan, il l'a dit, les gens achètent année après année. Pourtant, année après année, oui, au lancement, les gens ils vont de commentaires positifs. Ils disent être heureux de retrouver le jeu, puis ça, ben ça génère du... Tu sais, ton souvenir de l'année précédente... Il est complètement effacé, le nouveau c'est tombé plus hot. Puis tu sens que les critiques des premiers jours, c'est plus le même résultat quand tu recules 2, 3, 1 mois, tu sais, des semaines après. Là, les gens commencent à se rendre compte que finalement, il y a des bugs, il y a des affaires, il y a des trucs redondants, tu sais, il manque des choses. Là, c'est juste comme plus évident. Mais pourtant, année après année, ils vendent. Ils doivent vendre à peu près le même nombre de copies d'une année à l'autre. Fait que pourquoi se forcer, tu sais? Si on décide toute une année qu'on l'achète pas, là, le jeu, ben l'année d'après, ils vont peut-être se forcer ou ils vont arrêter d'en faire totalement. Ça, c'est aussi. Non, ben je pense, tu sais, NHL 2015, si ça se vend pas, je pense qu'ils vont quand même en sortir un l'année prochaine. Mais sérieusement, en tout cas, je trouve... Tu sais, Dominique Simard de Factor Geek qui avait rebaptisé EA... Electronic Arrogant, je pense, ou quelque chose comme ça. Je donne pas tort. Ou entreprise arrogante. Oui, exact. Non, mais tu sais, je donne pas tort. Là. C'est dommage. Puis, tu sais, le producteur dit juste, c'est un bon gars. Peut-être, ça, je sais pas d'où ça vient, mais en tout cas, c'est vraiment pas fort. C'est vraiment pas fort. Méga fail. Eh ouais. Deuxième fail, moi j'y vais avec Microsoft qui a lancé sa One au Japon. D'un, pour moi, d'avoir. Puis personne l'a attrapé. C'est ça, ouais, exact. C'est ça. D'un, d'avoir fait un lancement aussi étendu dans le temps, sur une période de temps. Tu sais, la console n'est pas encore en Chine. C'est vous dire, là. D'avoir morcelé les pays, où est-ce qu'on l'envoie? Oui, pour la production de la console, c'est plus facile, mais ça diminue l'impact publicitaire, le momentum que tu peux avoir. Bon. Dans l'ignorance, nous autres, on le sait pas, on n'est pas là, on n'est pas là-bas, ça n'a pas eu d'impact, on le voit plus ou moins passer. Ben, là-bas, ils l'ont pas senti non plus. On a fait le lancement cette semaine et en 3 jours, du 5 au 7 septembre, on a vendu 23 000 unités. Si on y va là, en termes de chiffres pour la même semaine, là, la seule console qui a vendu plus, c'est de la 3DS à 30 000 unités. J'arrondis, OK, les chiffres, là. Non, on veut les vrais. Moi, non, je sais, là, mais bon, je paresse intellectuelle, j'arrondis. Dans l'ordre, 3DS, Xbox One, PS Vita, Wii U, PS4, PS3, PSP, Xbox 360. Bon. L'important, ce que moi je cible, la Wii U et la PlayStation 4 se sont vendus à peu près à 7300 versus 7200 unités. Là. C'est vraiment très très proche. Donc 25 000 versus 7000, ça paraît bien. Le problème, c'est que la vente de la Xbox 360 à sa sortie, là, la première semaine, les trois premiers jours, on avait vendu 60 000 unités versus 25 000 pour cette fois-ci. Donc, c'est beaucoup moins. Pour avoir un lancement aussi pénible au Japon, déjà qu'on le sait que Microsoft n'est pas très, très apprécié là-bas, c'est une terre hostile. Faut reculer à 1999. Et là, je vous lance là, la perche. Un petit concours, petit quiz. De même, il n'y a rien à gagner si ce n'est ma reconnaissance. Ah, OK. Oui, ça vaut pas cher. essayez de deviner quelle console en 1999 avait cumulé 18 000 unités et qui était le pire lancement de console au Japon. 99? Ouais. Je veux dire Dreamcast? Non. 99. Vas-y, d'un essai, Luc, là, puis écoute, je ferai pas de languir trop longtemps, là. En 99, je me rappelle pas ce qui avait sorti. C'est sûrement pas un produit Nintendo, sûrement pas la... Non, j'ai aucune idée. Non. La Neo Geo Pocket Color. Ah, oh, ben là... Oh boy! Non, mais... Ok, oui. Ce que je veux illustrer avec ça, là, c'est que la One, elle est connue, c'est Microsoft, c'est reconnu. C'est pas une console bâtard, chippée d'un... Tu sais, faite sur un coin d'une table en ramasse, là. Puis, son lancement se compare à la Neo Geo Pocket Color. C'est fou, pareil, là. Non, ouais. Ben, faut dire qu'ici, les Neo Geo... Oui, c'était plus populaire qu'en Europe, là. Oui, oui. On s'entend que ça n'a jamais été un challenger dans le top 3, là. Non, c'est clair. Jamais, là. Donc, moi, j'ai trouvé l'ironie de la chose très, très succulente. On sait que le Japon aime pas... C'est très conservateur et très protectionniste envers les produits venant de chez eux. Les produits asiatiques ont plus tendance à bien fonctionner versus les produits américains. Il y a cette tendance-là, mais à ce point-là, c'est assez intense, c'est assez solide. Et d'ailleurs, vente de Wii U puis de la PlayStation 4 à 6000 unités par semaine, pas fort. C'est pas fameux, là. Non, ça lève pas tant que ça, hein, la nouvelle génération. Ouais, la 3DS qui vend en plus, mais tu sais, qui vend 4 fois plus par semaine que ces consoles-là de salon. C'est fou, hein? Ouais, puis dire que la 3DS, au début, tout le monde t'inquiète parce que ça se vendait pas. Ouais, c'est ça. Ironie quand tu nous tiens. Mm-hmm, exact. Et là, Dan, ton 2, parlant de la 3DS qui fonctionne bien. Ben oui. On l'a tué le lien. Tu vois, nous parler d'une bidule que les gens ont pu acheter, le Circle Pad Pro pour la 3DS. Oh, oui. Puis que là, ben, on le sac au vidange, ça sert plus à rien. C'est sûr, ben peut-être dans le temps, quand Kid Icarus est sorti sur 3DS, vous avez peut-être été tenté par le Circle Pad Pro parce que c'était obligatoire pour le jeu. Fait que vous avez acheté ça, c'était pas trop cher, une vingtaine de dollars. Nintendo puis d'autres compagnies promettaient d'utiliser ce second joystick à pleine capacité pour la 3DS. Et là, ben, qu'est-ce que vous voulez? Cette semaine, je pense qu'on vient officiellement de dire bye-bye à ce petit bidule qui s'accrochait en dessous de la console parce que... Mais comment ça se fait? Mais que se passe-t-il? C'est qu'en fait, le 3 octobre prochain, il va y avoir la sortie de Smash Bros. Donc, Super Smash Bros. Très, très attendu. D'ailleurs, Nintendo va lancer une très jolie, très belle 3DS à l'effigie du jeu. Si j'avais pas déjà une 3DS, une 3DS XL, ça va te prendre une new 3DS. D'ailleurs, c'est pas un fail, ok? C'est un autre, comme un autre, là. Mais ils ont pas compris avec le nouvel iPad que new dans le nom, c'est parce que éventuellement, le temps rattrape la chose et elle n'est plus nouvelle. Ouais, mais peut-être que c'est la dernière génération de 3DS, puis après ça, ils vont sortir quelque chose avec un nouveau nom, donc le New 3DS sera la dernière 3DS. Ah, peut-être, là. Peut-être te sortir une 4DS la prochaine fois, puis quand tu vas jouer à un jeu, tu vas faire de quoi, puis elle va te push-pusher quelque chose dans le nez pour te faire sentir ça, t'sais. Juste en dessous des narines, là, tu sais. Ça va être le 4DS. Je vois déjà les jeux indépendants sortir pour ça. Je ne veux jamais jouer avec la quatrième dimension à Conker's Bad Fur Day. Jamais. Tu veux pas affronter The Great Mighty Pooh? Non! Ok, c'est bon. Mais là, vous vous dites, mon Dieu, après cette petite parenthèse, mais où s'en va-t-il avec le Circle Pad Pro? C'est qu'en fait, Smash Bros. Va sortir et on a annoncé que, pas de problème, si vous avez une 3DS, pas de problème. Si vous voulez aussi acheter une New 3DS avec le fameux C-Stick, donc une espèce de petit bâton analogique ou en tout cas, whatever. C'est un wannabe, hein? Ça, c'est... je ne sais pas comment ça va se contrôler, là, mais... On verra. L'impression qu'il n'y a pas de pogne, mais en tout cas, on verra. Non, mais attends, Jean-Benoît. Laisse-moi finir, là, sur mon malancé. Si vous possédez une 3DS normale et que vous possédez aussi un CirclePad Pro, ben, too bad for you. Ben, le CirclePad Pro ne sert à rien. Il ne sera pas compatible avec Super Smash Bros. Donc, dans le fond... Le jeu fort de Nintendo pour cet automne va être compatible avec la bonne vieille 3DS, va être compatible avec la prochaine 3DS. Mais si vous avez acheté le bidule pour vous dire « Mon Dieu, je vais avoir une expérience encore plus écœurante qu'avant », ben, ça peut rester dans votre garde-robe. C'est là qui est le mien. Ouais, ben c'est ça. Depuis son achat. Non, mais je tiens quand même à souligner, là. Quand même. Le CirclePad Pro a quand même été compatible avec un grand total, un magnifique total, en fait, de deux jeux. Oh! Hey, quel achat incroyable. Hey, on a battu le record de la Virtual Boy qui, elle, était compatible avec sept jeux, je pense. Ouais, quelque chose de même, je pense. Coûtait moins cher comme périphérique, par exemple. Mais... Ah, c'est 10$ par jeu, tu sais. Ouais. Fait que ça a été compatible avec Kid Icarus et Resident Evil Revelations, qui, anyway, a été refait en HD. Fait que voilà la grande vie merveilleuse du CirclePad Pro. C'était-tu, juste de même, c'était-tu un produit officiel Nintendo ou c'était développé par quelqu'un d'autre puis accordé par Nintendo? Non, c'était développé par Nintendo. OK, en plus. Oui. Désavouer la technologie. Non, mais tu sais, quand tu dis que le Nintendo Seal of Quality, là, l'espèce de tempe en or, là, tu sais, quand tu dis que c'est plus ce que c'était. Était tempé brune, la star, hein? C'est plus, c'est plus aussi reluisant. Seal of Schnout. Oui. Ben, ça dépend. Sur certains produits, non, mais. Non, mais sur certaines affaires. Il aurait pu oublier le seal. On doit leur donner, ça je pense que c'est encore tout à fait vrai aujourd'hui, les jeux qui sortent sur les plateformes de Nintendo, les bugs, c'est pratiquement inexistant, c'est des jeux qui sont très très solides. Ouais. Côté, pas nécessairement la qualité du jeu, là, mais sa structure, il tient la route, il est prêt à subir les affronts des joueurs, ça oui, mais bon. Ben, maman va dire sans gêne que une couple de mes jeux les plus attendus de l'automne, c'est des produits Nintendo. 2015 est l'année Nintendo. Au dernier E3, c'est ce qu'on a vu. Moi, j'ai très très hâte. Si l'occasion se présente, si vraiment le timing et que les jeux livrent la marchandise comme on se l'attend, comme on l'espère du moins. La Wii U pourrait augmenter ses ventes. Là. Je suis le premier à me dire ça commence à être intéressant. Là. Mais je vais attendre 2015. Puis on va peut-être avoir baissé de prix. Peut-être. J'espère. C'est possible. J'espère. Fait que moi, dans une couple de semaines, je vais vous parler avec joie de Hyrule Warriors. Oui. Ça va me faire plaisir. Ah, merci, Dan. Merci. Ça fait plaisir. Si je veux m'acheter une Wii U, il va falloir que je compte mes sous, que je ramasse mes scènes, que je fasse des calculs savants. Et le prochain jeu pourrait m'aider à y arriver, à apprendre comment faire. Luc, tu vas me parler de mathématiques dans un jeu vidéo. Ouais, c'est ça. C'est la passe à palette que Dan m'avait fait. As-tu Donc, vu le lien? C'est incroyable. Je suis en feu, mesdames, messieurs. C'était pas payé. T'as oublié mon win, mais c'est pas grave, on le fera une autre fois. OK. Non, c'est beau. C'est quoi ton win? Non, c'est correct. C'est parce que c'était plus quelque chose de niaiseux. Je veux dire, mon win cette semaine, c'est moi. Pour une raison très simple, j'ai trouvé comment faire flipper ma famille au complet. Puis, vous pouvez tout le faire. Je voulais vous expliquer comment faire capoter votre chum blonde, femme, enfant et tout ça, et hyper facilement. Puis j'ai découvert ça comme par erreur. Ceux qui ont Vidéotron, tu sais, Vidéotron, la nouvelle génération, avec l'Hélico TV, vous pouvez télécharger une application sur vos tablettes, soit iPad, soit Android. Okay? Je sais tellement où tu t'en vas. Puis ce qui est le fun avec ça, c'est que ça vous permet d'enregistrer des émissions à distance, même écouter certains postes, certaines émissions à distance sur votre tablette. Et puis, c'est ça. Donc, moi, un matin, j'étais au gym, j'étais en train de faire mon tapis roulant ou j'étais en train de faire mon elliptique. Puis, je me disais, me semble que je regarderais quelque chose à la télévision. Quel poste que j'ai le droit de regarder sur ma tablette? Je commence à prouver ça sur ma tablette, puis là, commence à toucher des pitons. Là, je me dis, ah, finalement, le réseau au gym est pas assez bon, m'allais se faire, m'écouter des podcasts à la place. Et j'arrive le soir chez nous et ma femme me dit, je comprends pas ce qui s'est passé un matin. On regardait la TV, puis tout d'un coup, elle s'est mise à changer de poste toute seule. et moi, trop fin d'y avoir expliqué que je pensais que c'était moi à cause de telle affaire. J'aurais dû garder ça pour moi. Ben oui. Donc le samedi matin... La TV que tu mets au hockey tout seul. Ouais, désolé, mon amour. Je l'avais dit à ma femme, mais je ne l'avais pas dit à mon gars. Donc, le samedi matin, on se réveille, mon gars se lève, allume la télévision, commence à regarder la TV et moi, assis dans le lit avec ma femme à côté, on était crampés bien raide parce que je changeais de poste aux deux secondes. Puis là, j'entendais mon gars dans le salon dire « Maman, la télévision l'a encore faite. » Maman, la télévision, elle l'a encore faite. Elle change encore de poste. Là, elle est rendue à V. Là, elle est rendue à RDS. Là, elle est rendue à... Ah, elle est revenue au bon poste. C'est beau. Là, j'attendais 30 secondes. Ah non, elle a encore changé. Fait que, si vous voulez faire flipper votre famille, installez l'application puis parlez-en pas. Donc, ouais. C'est tout. Je partage ça avec vous autres. Mais je confirme parce que je l'ai fait à mon année. Ma blonde écoutait un beau petit film romantique sur Club Illico. Puis moi, le tata avec la tablette dans l'autre pièce, ben, je l'arrêtais. Je l'occupais. Et quand Youfriend t'arrive pour embrasser une fille, toi, tu changes le poste, là, tellement. Contente. Ouais, ouais. Puis là, je la voyais avec « Non! Oh, qu'est-ce que c'est ça? Hey, ça vaut la peine de payer! » Fait que, bref, j'approuve le... Faites ça une fois, tu sais, juste pour triper puis écouter la réaction du monde, c'est un peu comme l'annonce de Mastercard, ça a pas de prix. Mais OK, ma vraie critique, The Counting Kingdom, c'est un jeu style Tower Defense. Donc, un peu Plants and Zombies, tour par tour. Donc, on a faut se protéger de vilains monstres qui veulent venir détruire notre château. La chose, c'est que c'est un jeu qui est fait pour les enfants. Bon, la compagnie dit 6 à 8 ans, je vous dirais que oui, 6 ans. Si votre enfant commence à s'intéresser aux chiffres et est capable d'additionner 2 plus 2, des choses comme ça, il peut déjà commencer à jouer. Au début, c'est sûr que ça va être facile, mais plus on avance, plus ça devient difficile, plus qu'on a de combinaisons de choses qu'on peut faire qui va rendre le jeu un petit peu plus difficile. Donc, c'est un jeu graphiquement, c'est vraiment beau, c'est vraiment coloré, c'est très bande dessinée pour enfants, donc c'est pas des dessins qui sont hyper évolués, surtout les monstres, le petit bonhomme qui fait notre magicien, qui est un enfant aussi avec un gros chapeau à la Merlin, lui est un peu mieux dessiné, mais l'univers est beau, c'est coloré, c'est cute, les enfants vont aimer ça. Donc, c'est quoi le but de Counting Kingdom? Ben, il y a des monstres qui attaquent notre château et nous, faut détruire ces monstres-là. Ce qui est le fun, c'est que les monstres arrivent... Le but du jeu, c'est que les monstres arrivent avec un chiffre écrit sur leur ventre. Et puis, faut mettre une carte ou plusieurs cartes qui vont additionner le chiffre qui est sur le monstre pour le détruire. Donc, au lieu de lancer des sorts, faut lancer des combinaisons de chiffres ou une carte. Au début, c'est une carte avec un chiffre pour détruire le monstre. Donc, faut faire ça avant que les monstres se multiplient trop puis viennent détruire le château, rentrer dans le château. Comme ça, c'est sûr qu'à mon âge, j'espère, là, mais même à ça, je vous dirais, rendu à la fin, les combinaisons puis les choses comme ça deviennent assez difficiles, mais j'ai jamais vu ce que ça faisait quand un monstre se rend jusqu'au château puis l'attaque. J'ai réussi à finir tous les niveaux sans perdre de vie. Faudrait que je regarde voir ce qui se passe, pardon. On est content que tu nous confirmes que tu as réussi le jeu. On aurait été déçus. J'ai compté. Non, mais quand même rendu dans les derniers niveaux, là, les combinaisons sont quand même assez difficiles parce qu'on peut rendre le jeu aussi simple ou aussi compliqué qu'on veut. Puis la manière que je veux dire, c'est que je vous explique ça, c'est bon, c'est facile. On regarde, mettons, un tableau. c'est classé comme, c'est fait comme un damier, donc un jeu de dames. C'est 4 cases par 4 cases. 4 cases de haut, 4 cases de large. Et puis les monstres arrivent, puis se promènent sur les cases. Ils avancent d'une case à la fois. On commence avec une rangée de monstres, des fois 2 monstres. Et puis là, si on ne réussit pas à les avoir parce que notre combinaison de cartes n'est pas bonne et tout ça, ils vont avancer quand un monstre en arrière va avancer dans ce rangée-là. Donc, mettons, je ne sais pas, j'ai un monstre, ma première rangée, j'ai un 3, j'ai un 2, j'ai un 2. Donc, si j'ai, tu sais, 7, ben là, je peux détruire la rangée au complet. Si j'ai un 3, je peux détruire un monstre. Donc, on peut faire des combinaisons pour être capable de détruire le plus de monstres possible. Si on est capable de vider le tableau d'un coup avec le nombre de cartes qu'on a, ben là, on gagne plus de points. Ça va nous donner 100 points au début, 200 points plus tard, 300, 400 points. Si on vient avec plus aucun monstre sur la carte parce qu'on les a toutes éliminées d'un coup. Donc, il faut calculer le nombre de nos cartes par le nombre de monstres. Ce qui est le fun, c'est qu'on peut combiner aussi des cartes. Fait que c'est comme si dans un jeu, on combinerait des sorts. Donc, je peux mettre 2 cartes de 6, une par-dessus l'autre, puis me faire une carte de 12. Fait que si j'ai un monstre qui rentre, qui a un 12 sur lui, ben je peux le tuer avec une carte au lieu de le tuer avec une combinaison. Ben, on ne peut pas combiner des cartes. On peut combiner des monstres pour additionner le chiffre de la carte, mais on ne peut pas combiner juste des cartes en cliquant dessus. Il faut les draguer, les tirer une sur l'autre, puis là, ça va additionner. Puis aussitôt qu'on utilise une carte, on nous donne une autre carte qu'on peut utiliser qui peut être un chiffre aller jusqu'à... Je pense que les chiffres vont jusqu'à 15. Les monstres vont jusqu'à 15. Je me rappelle pas si les cartes... Ben, je vois 16. Je vois un 16 dans les images sur le site. Ouais, c'est ça. Là, il y a un 16, puis il y en a un monstre qui est le top. Il est-tu un 18 ou quelque chose comme ça? Mais en tout cas, il y a un nombre de maximum que le monstre va rentrer avec sur le chiffre sur son ventre, mais on peut pas... Mais ce qu'on voit, c'est que la formule pourrait s'ajuster pour aller plus vieux. Tu sais, si on voulait augmenter le niveau, là, potentiellement, il n'y a pas vraiment de limite à ce jeu-là. Là. Non, puis c'est ça, puis on peut... même s'augmenter notre difficulté nous-mêmes en disant ben je tuerai pas un monstre à la fois, le minimum de monstres que je veux tuer à la fois, mettons, c'est 3 monstres. Fait qu'il faut que tu calcules 3 monstres selon tes cartes. Il y a des combinaisons qui sont pas faisables du premier coup, donc on va avoir des cartes qui matchent pas du tout avec les monstres qu'on a, parce que pour tuer plus d'un monstre à la fois, il faut qu'il soit un à côté de l'autre. Donc, soit en avant, soit en arrière, soit en bas, mais pas en diagonale. Ça ne veut pas dire parce qu'ils se touchent qu'on peut nécessairement les choisir. Il faut vraiment qu'ils soient un en haut de l'autre ou un à côté de l'autre. Donc, on peut faire soit une ligne droite, soit une barre, un moins ou un i pour ça, ou on peut faire un zigzag, mais il faut toujours qu'ils soient en dessous ou à côté. On ne peut pas aller en diagonale. Donc, des fois, on va avoir des cartes avec 2 monstres sur le tableau, mais les monstres ne se touchent pas. Puis il me donne, je sais pas, moi, un 5, un 4, puis un 7. Puis mon monstre, ben c'est un 2, puis c'est un 1. Ben, j'ai pas de 2, j'ai pas de 1, je peux pas tuer ces monstres-là. À un moment donné, on commence, quand on avance un petit peu, les premiers niveaux, c'est hyper facile. Là. C'est normalement une carte, un monstre, où on peut combiner s'ils se touchent. Après ça, on commence à nous donner des potions. Dans les potions, on va avoir des plus 1, des moins 2. Au début, c'est juste pour additionner. Donc, vous avez des monstres, la combinaison du monstre est soit un petit peu trop haute, un petit peu trop basse. Si c'est, mettons, 2 plus bas, vous seriez capable de tuer avec vos cartes. Vous mettez une potion moins 2 sur un monstre, vous faites votre calcul, votre carte va être suffisante, votre monstre va mourir. Ça peut être un plus 1 aussi. Vous avez une carte de 7, vous avez 2 monstres qui font 6, ben avec votre 7, vous ne pouvez pas le tuer. Vous lui donnez un plus 1, il fait 7, vous tuez la combinaison de monstres ou le monstre. Donc, on peut calculer aussi comme ça. C'est là que ça devient un peu plus compliqué. Parce que là, faut calculer les monstres sur l'écran, plus les cartes, puis là, voir si on rajoute une potion, soit plus, soit moins, si là, on est capable de faire notre combinaison de monstres. Fait que c'est là que ça fait travailler les enfants, puis les adultes. Parce que là, OK, j'ai 3 monstres qui se touchent en haut, j'ai 2 monstres qui se touchent en bas. Est-ce qu'avec une certaine combinaison, je peux réussir à faire un chiffre pour pouvoir utiliser une carte pour le tuer? Fait que c'est là que ça devient plus stratégique, plus aussi, réfléchir, puis apprendre à compter un peu plus compliqué que juste un monstre, une carte, un monstre, une carte. plus tard, plus on avance, là, on va nous donner une potion qui peut geler une rangée complète de monstres. Donc, ça va les empêcher d'avancer au prochain coup. Ou on peut aussi avoir une potion qui détruit une rangée complète. Donc, on peut, si on voit qu'on a des monstres trop forts dans une rangée, on n'est pas capable de le faire, ouais, on utilise cette potion-là, puis ça va détruire la rangée au complet. Quand on va avancer aussi, à un moment donné, on va avoir des cases qui vont avoir un x2 dessus. Donc, le monstre rentre dans l'écran, c'est un 5. Quand il embarque sur cette carte-là, il devient un 10. Donc, on a le choix de, tu sais, prendre une carte qui va additionner 10 pour le tuer ou 15 avec, mettons, si on peut avoir un autre 5 qui se touche pour le tuer avec ça. Ou on peut attendre qu'il avance d'une case, il va redevenir un 5, puis là, on le tue avec une carte 5. Fait qu'il faut jouer un peu stratégique. Jouer avec les chiffres, jouer avec les potions, jouer avec, bon, ben j'ai une potion pour détruire une rangée, est-ce que je l'utilise là? Est-ce que j'attends un peu qu'il avance un peu plus proche, puis je me débarrasse de, tu sais, 3-4 monstres du même coup? Donc, c'est stratégique, c'est mathématique, ça va faire travailler les méninges un peu pour, tu sais, voir où est-ce qu'on s'en va, qu'est-ce qu'on fait, c'est quoi la meilleure stratégie pour réussir à tuer les monstres. C'est très joli aussi, là. Je vois les images, les bébites sont cute, puis tu sais, comme je disais, le niveau de difficulté est ajustable, on pourrait augmenter ça, mais imagine, là, c'est tôt partout, mais fait à la Plants vs. Zombies, tu sais, que les monstres, ils avancent, là, puis t'as un temps limite, ça se fait aussi, là, tu sais. Ouais. La compagnie, je pense qu'elle a une très, très belle formule entre les mains, là. Oui, oui, oui, puis ça a gagné le PAX, ça a gagné le PAX 10. Ils choisissent 10 jeux dignes de mention, puis ils nomment au PAX 10. Ça a été choisi un des PAX 10. Présentement, il est juste disponible sur Mac et sur PC, donc sur Windows, par Steam. Mais il s'en vient sur tablette bientôt. Il y a une version iOS qui s'en vient bientôt. Puis je pense que ça va être un jeu parfait pour les enfants sur la tablette. Moi, et eux autres, je l'aurais sorti sur tablette en premier même. Parce que, tu sais, vous avez une tablette, vous en allez sur un petit voyage en auto, vous donnez ça à vos enfants, ils vont se faire du fun. J'ai joué à ça avec mon gars. Mon gars a 8 ans. Puis on était assis un côté de l'autre, puis là, on calculait nos manques. On disait, ah, gars, papa, tu pourrais prendre. Puis là, je le laissais aller. Tu sais, ma femme a dit, fais-y pas tout. Laisse-y aller. Puis là, elle m'a dit, gars, papa, si je prends mon 3 là, je prends mon 2 là. Puis là, ben, on a une carte 6, je prends ma potion plus 1, je mets ça là, ça fait 6, ben là, on tue le monstre avec cette carte-là. OK, fais-les. Ça fait que là, on joue à ça, puis là, il joue avec ses maths en même temps. Mon gars a 8 ans, fait qu'il est dans la limite, théoriquement, du jeu. Mais quand on est arrivé vers les monstres de la fin, vers le dernier château, là, t'as plus de combinaisons, c'est un petit peu plus compliqué. Quand tu prends des gros monstres à 15, puis il tombe sur un x2, puis qu'il est rendu à 30, là... tu vas gauler pour le tuer. Fait que c'est vraiment super le fun, c'est coloré. Je pensais pas avoir du plaisir avec ce jeu-là, parce que je me disais c'est un jeu pour enfants. Mais même en étant plus vieux, on trouve ça le fun pareil, parce que c'est coloré, c'est le fun. On a l'impression de jouer un jeu de magie. Tu sais, il y a des potions aussi, on peut changer le bonhomme de case, soit une case en haut, une case en bas. Faut que ce soit une case libre, soit en haut, en bas, gauche ou droite. Puis on a une case aussi qui va mettre... On a aussi une potion qui va mettre le monstre à 0. Donc, t'as une carte 10, t'as un monstre 10 puis un monstre 12. Ben tu mets le 0 sur 1. Puis avec ta carte 10, tu peux tuer 2 monstres. Fait que, okay, faut que tu travailles ça comme ça. C'est vraiment, vraiment le fun. Les enfants vont vraiment triper sur ce jeu-là s'ils aiment un peu les mathématiques. Mon gars, c'est un triple de mathématiques. C'est probablement sa matière la plus forte puis sa matière qu'il aime le plus à l'école. Fait que c'est vraiment dans le genre de jeu qui a trippé, puis il m'a demandé pour jouer aussi, puis je suis sûr qu'il va rejouer à ça de temps en temps. Fait que pour ce que c'est, on parle pas d'un Call of Duty, on parle d'un jeu éducatif. Pour ce que le jeu est, moi j'y donne un solide 9 sur 10. C'est plaisant, c'est coloré, c'est bien dessiné, il y a des cinématiques à un moment donné en des niveaux, on change de château, on change de température. Au début, on est comme dans une prairie, après ça, on va dans l'eau, après ça, on va dans la neige, après ça, on va dans la montagne, puis les décors changent à chaque fois. C'est hyper bien fait, c'est vraiment un petit chef-d'œuvre, là. Bon, je suis content. Non, c'est vraiment, vraiment, vraiment intéressant. Puis je suis content d'avoir découvert ça. Merci, Dan. Mm-hmm. Mais c'est sûr, c'est pas le genre de jeu que moi je vais jouer tout le temps. Mais j'ai été content de passer à travers un coup puis voir ce que c'était. Puis voir l'expérience que ça peut apporter à des enfants. Puis le fait que oui, c'est cute, c'est bien fait. Oui, c'est un tower defense. Mais à la base, en s'amusant, les enfants vont en retirer quelque chose d'intéressant qui est d'apprendre à travailler leurs mathématiques, qui va leur servir partout dans la vie à un moment donné. Là. Puis je trouve que trop souvent dans le jeu éducatif, on oublie ce bout-là. Si l'enfant, il n'y a pas de fun, il n'y aura comme pas le goût d'y jouer, puis il n'apprendra pas plus. Non, puis des fois, on prend des enfants pour des niaiseux, tu sais. On va faire ça, ça va être cute, ça va être drôle, puis ça va pogner, puis ça va vendre. Puis le but, c'est juste de vendre. Là, on voit qu'il y a eu un travail fait pour intéresser, puis vraiment éduquer aussi les enfants. Donc chapeau à jeu-là. Donc, c'est Counting Kingdom, c'est la compagnie, c'est Little Worlds Interactive. C'est en vente à 10$ sur Steam, puis c'est bon pour Mac et PC. Devine quoi, Luc? Mm. On va pouvoir en donner deux. On a des clés. Dan a retrouvé son courriel. Ah ouais, on n'était pas sûr de pouvoir faire le concours. Oui. Je l'ai retrouvé. Ça va être assez simple. Ce qu'on va faire, c'est simplement, vous avez des enfants, on aimerait ça, un courriel. Dites-nous le nom de l'enfant, le nom de votre enfant qui va pouvoir jouer. On va pouvoir le saluer sur l'émission. Puis on va donner une clé. On va peut-être attendre un ou deux shows, le temps que les gens puissent s'inscrire. Vous pouvez nous envoyer un courriel à RealitéHug, RealitéHug@outlook.com, tout simplement. Vous envoyez un petit courriel, dites-nous le nom de l'enfant, de vos enfants, si vous en avez plus qu'un. Puis une petite salutation, nous autres, on va vous donner. On a deux clés. Fait un ou deux shows, peut-être deux. Ouais, on va attendre deux shows, que ça va être la peine. Peut-être trois, parce que dans deux shows, je serai pas là. OK, trois shows, c'est bon. Luc, il va avoir son mot à dire. Bah, 17 Noël, non, ça, c'est ça le fun, tu sais, tant qu'à faire. Participer. RealitéHug@outlook.com, petit jeu bien sympathique. Puis comme tu disais, ça a gagné PAX 10, donc dans les 10 meilleurs jeux du dernier PAX Interactive, donc bien cool. Le fun, je suis content d'encourager cette petite compagnie-là. Puis tant mieux s'ils peuvent avoir d'autres concepts de même. Comme je disais, ça se détique. Je préfère des twists sur des variantes sur le même thème pour des plus vieux, pour aller chercher d'autres publics. Non, ils ont vraiment trouvé une belle formule. Oui, puis c'est très bien. Ça fait un peu de dessin Adventure Times ou des choses comme ça. T'sais. C'est un peu ce genre-là, ceux qui connaissent ces dessins animés-là. Ça ressemble un peu à ça, les dessins, mais c'est vraiment fait pour enfants. C'est hyper intéressant. Des châteaux, des monstres, de l'eau, des choses comme ça. C'est surprenant comment ils ont fait un bon petit travail avec ça. Donc, j'ai hâte de voir la version iPad. Vraiment, là, franchement, ça devrait vraiment bien lever sur iPad, parce que ça serait un jeu parfait. Si les commandes sont bien faites, là, ça va être merveilleux. Y a-t-il des tableaux d'eau pour une fois que ça a l'air à fonctionner comme du monde, même dans l'eau? Oui, il y a des tableaux d'eau, mais les tableaux d'eau, c'est le château est sur une île. Fait que c'est pas. Non, t'as pas de problème de poissons qui viennent te manger par en dessous tout le temps. C'est bon. Daniel, toi, tu vas nous parler de ton univers. Criminel. Moi, j'ai pas de clé. Toi, tu crées des causes criminelles, des procès, tout ça, tu surveilles ça. Puis là, t'as un jeu dans cet univers-là. Qu'un nom de 12 pieds de long, là, de Prof Layton versus Phoenix Wright Ace Attorney. Ou Ace Attorney, Phoenix Wright, prononcez ça comme vous voulez. Mais oui, exact. Puis honnêtement, c'est un jeu que j'attendais parce que ces deux séries, ben, je dirais pas que j'affectionne éperdument, mais ces deux séries avec lesquelles j'ai du fun, surtout Professeur Layton. D'ailleurs, c'est grâce à cette franchise-là que ma belle-mère s'est intéressée aux jeux vidéo et que j'y ai fait acheter des consoles. Donc, j'avais hâte d'avoir... dans l'enfer du vice. Oui, puis depuis ce temps-là, elle est corrompue et elle sacre et... Ouais. D'ailleurs, sa game de Diablo va-tu bien? Je sais pas, mais on a collé l'exorciste d'ici une semaine, mais ça c'est bon. Sa tête à spin, c'est l'enfer. Ben, je sais pas, mais quand je pitche de l'eau bénite, ben, l'eau bouille. Voilà. Non, mais. On sérieusement. Oui, non, j'aime beaucoup ma belle-mère. Sérieusement. T'es bien mieux. Non, il n'y avait pas d'ironie, je l'aime beaucoup. Okay. Oui, j'avais hâte d'avoir ça parce que ces deux. Franchise quand même à succès. Ils ont un bon public chacune de leur côté. Puis j'avais hâte de voir ça, le mélange de deux séries de jeux vidéo. C'est pas quelque chose auquel on est habitué. Tu sais, il y a pas tant de mélange que ça de séries dans le jeu vidéo. Il y en a eu des exemples, mais il y en a pas eu tant que ça. Ces deux séries, pour ceux qui ignorent totalement ce que c'est, Professeur Layton, c'est une série qui fonctionne avec des énigmes, tandis que Phoenix Wright, Ace Attorney, c'est beaucoup plus, c'est des procès, c'est des preuves, puis c'est des jeux dans lesquels on incarne l'avocat de la défense. Donc, nous, on doit finalement s'objecter à la couronne, mais à travers des procès qui ont absolument rien à voir à ce que vous allez voir dans une vraie salle de cours. Mais bref, c'est deux jeux où la réflexion est mise de l'avant. Donc, faut que tu penses en fonction de ce que tu as devant toi, puis il faut que tu arrives à certaines déductions. Donc, il y a un élément qui est commun aux deux séries, fait que là, il restait à voir si le mélange allait bien se faire. C'est intéressant, mais j'ai des réticences, puis je vais vous expliquer pourquoi. Au niveau de l'histoire, en tout cas, au moins dans la première partie, c'est beaucoup, beaucoup véhiculé à travers le professeur Layton et son acolyte Luc. Donc, dans le fond, eux, ils sont dans le bureau du professeur, jasent comme par hasard de sorcières, parce que c'est ça le thème du jeu, c'est vraiment les sorcières. Luc dit « Ben, c'est intéressant, c'est des êtres de légende. » Puis le prof, lui, ben avec son esprit scientifique, dit que justement, ça repose sur aucun fait et que les sorcières n'existent pas. Et là, comme par magie, qu'est-ce qui arrive? Ben, une sorcière, une vraie, qui va venir kidnapper une jeune fille qui va se présenter au bureau du professeur en lui remettant une lettre d'un de ses anciens élèves qui est devenu détective. Et dans cette lettre-là, l'ancien élève qui s'appelle Giovanni demande au professeur d'aider la jeune fille parce qu'elle est en danger. Et à travers ça, ben le prof va finalement découvrir qu'il y a une cité cachée qui s'appelle Labyrinthia. Et cette cité-là est très, très, très mystérieuse parce qu'il y a un narrateur, ou en fait, un gars qui écrit, et ce qu'il écrit, ça devient une réalité. Donc, on est dans un univers parallèle. Ben, en fait, on débute à Londres, mais on s'en va dans l'univers parallèle de Labyrinthia assez rapidement. Et ce que j'ai trouvé intéressant de voir, c'est toute la logique du monde moderne, parce que, bon, ça a l'air qu'on est des êtres de logique aujourd'hui, avec toutes les croyances de l'époque du Moyen-Âge qui, finalement, sont la caractéristique principale de la ville de Labyrinthia. D'ailleurs, on retourne dans Labyrinthia à l'époque de l'Inquisition, donc à l'époque de la chasse aux sorcières, où vraiment on les faisait brûler vivantes sur le bûcher, et vous allez voir ça dans le jeu. Vous n'allez pas voir des corps calcinés, là, mais vous allez voir au moins une exécution où une prétendue sorcière va être brûlée. Ce sont des... comment je pourrais dire ça? Ce sont des femmes qui vont être parfois faussement accusées de sorcellerie et on va les châtier pour ça. De l'autre côté, vous avez Phoenix Wright. Phoenix Wright se rend à Londres, lui aussi, pour un congrès d'avocats et va d'une minute à l'autre se retrouver à être l'avocat de la défense d'une version parallèle de la fille qui s'est pointée chez le prof Layton. Et lui aussi, avec son acolyte Maya, vont se retrouver à Labyrinthia en étant aspiré par le livre de la jeune fille. Donc, ça a l'air compliqué, ça n'est pas tant que ça, mais il y a beaucoup, beaucoup de mystères. Puis c'est ça qui va vous tenir dans le jeu, c'est que la trame scénaristique est extrêmement bien faite. Les textes du jeu sont bons, mais il y a tout le temps un mystère qui survient puis qui nous accroche. Donc ça, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Que ça soit au niveau de la nature des sorcières, que ça soit aussi au niveau de qui est le narrateur, qu'est-ce qui a poussé Giovanni à aller à Labyrinthia, pourquoi il demande spécifiquement à Layton d'aider la jeune fille. C'est plein, plein, plein de choses comme ça que vous allez découvrir dans le jeu. Et dans le fond, ben c'est vraiment ça, je dirais, le point fort de Professor Layton versus Ace Attorney. C'est vraiment les mystères du jeu. Par contre, le jeu est extrêmement lent. Mais là, quand je dis lent, là, c'est lent. Là. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de textes à lire. Si vous êtes à la recherche d'action, il n'y en a pas vraiment. vraiment, ben, il y en a un peu, là. Il y a des moments humoristiques, mais c'est un jeu qui est très, très lent. Peut-être même un peu trop. Je dirais l'espace de temps entre les procès, entre les énigmes du côté du professeur Layton est beaucoup trop long. Ça m'ennuie parce que c'est le fun de lire du texte, mais ça devient un peu pesant quand tu veux jouer à un jeu. Il y a pas autant d'énigmes que dans les titres individuels de la franchise Professeur Layton. Donc, puis les énigmes sont un peu plus faciles aussi. Généralement, à force de manipulation, vous allez arriver à vos fins avec les énigmes. Donc, déception à ce niveau-là. Au niveau des procès, je dirais, bon, les procès sont vraiment débiles, là, dans le sens que, tu sais, il y a des armes là-dedans. À un moment donné, vous allez affronter en procès un chevalier qui représente la couronne, puis le chevalier a une épée, il vous la pointe. Évidemment, vous retrouvez ça dans toute bonne salle de cours, hein? Des épées, puis du monde qui gueule, puis ben certainement. Fait que, tu sais, les procès là sont drôles. Pas de détecteur de métal à l'entrée. Non, puis y a pas de détecteur non plus de Soulon parce qu'il y en a des fois dans les témoins. Mais dans les causes sont drôles. La personnalité des personnages de Phoenix Wright a été respectée, mais je dirais au niveau des procès, des fois il y a certaines conclusions auxquelles il faut arriver qui sont un peu tirées par les cheveux. C'est pas toujours évident de savoir, ok, mais c'est quoi qu'on cherche là, c'est quoi qu'on veut démontrer, parce que vous, votre but en tant qu'avocat de la défense, ça va vraiment être de démontrer les contradictions dans les témoignages des témoins pour finalement faire avorter le procès. Mais c'est pas toujours évident. Contrairement aux autres Phoenix Wright, il n'y a pas d'enquête amenée. Vous allez avoir vos preuves au fil des procès. Puis vous allez voir aussi que on est au Moyen Âge, donc les éléments là, en tant que tels sont de cette époque-là. Au lieu les tests de... d'ADN sont rares, hein, s'il vous plaît. Oui, puis les photographies aussi, c'est plus des dessins. Fait que tu sais, mais la seule affaire avec les procès... Parce que tout le monde sait que pendant qu'une scène arrive, il y a toujours quelqu'un qui dit « Hey, attends un peu, je fais un dessin. » Non, je comprends. Je comprends, non, c'est ça. Je fais un portrait de la situation. Ouais. Fais-moi un dessin. Quelle valeur de preuve ça a, c'est un peu discutable. Mais bon, OK, continue, c'est bon. Non, ben c'est ça. Tu sais, c'est juste que... Les procès, des fois, là, c'est un peu tiré par les cheveux, les conclusions. Des fois, je me creusais la tête, puis finalement, il a fallu que j'utilise des indices, puis là, je me disais, OK, c'est ça qu'on voulait que je monte, tu sais. Puis c'est vraiment des choses précises. Donc, je sais pas, j'étais pas convaincu par la logique derrière les procès, mais c'est quand même drôle. Puis vous allez voir que Phoenix est toujours aussi drôle en criant objection, ou encore quand vous allez démontrer un élément de preuve qui va confondre un témoin, quand il lâche un « prends ça », c'est drôle, puis quand il tape du poing aussi, puis tu sais, ça a été respecté. Est-ce que le mélange des séries est bon maintenant? Est-ce qu'il y en a une qui détonne par rapport à l'autre? Je vous dirais que globalement, tu sais, dans ma critique écrite, j'ai dit que le mélange des deux parvient pas au niveau d'un titre individuel de la série. Donc, je dirais que d'un bord puis de l'autre, vous allez avoir des déceptions, que ça soit au niveau des énigmes plus faciles puis moins nombreuses du côté de Professeur Layton, puis du côté de Phoenix Wright, des procès peut-être un peu plus tirés par les cheveux ou moins intéressants à suivre. Mais l'imbrication des deux est intéressante. Le mélange se fait relativement bien, ça coule assez bien. Par contre, contrairement à ce que le titre indique, il n'y a pas vraiment de confrontation entre les deux. C'est plus des collaborations que vous allez voir, dans le sens que des fois, Layton va venir en aide à Phoenix dans ses procès, parce que des fois, il va juste être coincé, puis Layton va lui venir en aide, parce qu'on le sait que n'importe qui peut se mettre à côté d'un avocat dans une salle de cour puis lui venir en aide. Hein? Ça, ça aussi. C'est connu. Ben, c'est très connu, je vois ça tous les jours. Du côté de Professeur Layton, ben, vous allez voir Maya puis Luc des fois aller enquêter sur le terrain puis finalement collaborer ensemble, ce qui peut mener à des trucs assez drôles, mais il n'y a pas de confrontation en tant que telle entre les protagonistes de chacune des séries, donc, tu sais, c'est pas... Le titre est un peu trompeur. C'est pas un contre l'autre, c'est plus un avec l'autre. C'est un jeu. Oui. Non, on verra pas l'arrachage de colonne vertébrale, nous de faire la main. Non, pas vraiment. C'est un peu déçu. Cartoon aussi. Ah ben désolé. c'est un jeu qui offre quand même une bonne durée de vie. Un prologue, 9 chapitres, un épilogue. Au total, une bonne trentaine d'heures de jeu. Mais là-dedans, vous allez en passer peut-être 25 à lire. Non, mais j'exagère. Non? Il y a beaucoup de temps à lire. Il y a beaucoup, beaucoup de temps consacré à lire. Mais c'est quand même un jeu assez long. Donc, ça peut valoir la peine. Pour ceux qui aiment les déroulements, tu sais, je dirais ceux qui ont aimé, par exemple, les titres 999 ou Last Virtue, tu sais, des jeux où finalement il n'y a pas tant d'action que ça, mais où l'histoire est intéressante puis va progresser à travers les dialogues des personnages, ça peut quand même être intéressant. Donc, voilà. OK. Ben, c'est ça. Je suis comme. Comment je dirais ça? Je suis un peu ambivalent sur cette idée-là de mixer deux séries qui sont aussi différentes. Puis, je sais pas. C'était-tu si tant une bonne idée? Ça va-tu attirer plus de fans? Est-ce que le jeu va se vendre plus parce que on va réussir à aller chercher les fans des deux bars? Ou la recette est tellement diluée, autant l'une que l'autre, que finalement, ben, ça atteindra pas l'objectif pour personne. T'sais. Ouais, non, je comprends. Mais ben, tu sais, je dirais, comme je l'ai mentionné au début, il y a quand même un élément commun qui est la réflexion, tu sais, dans les deux séries. Je peux comprendre le mixage, je peux comprendre l'espèce de risque aussi qu'on a voulu prendre, tu sais, puis en même temps, c'est deux séries populaires, puis tu sais, moi j'étais intrigué. Est-ce que ça a répondu à mes attentes? Non, mais est-ce que c'est un jeu intéressant? Oui, à condition ben, d'aimer les jeux à déroulement là. Mais tu sais, un vrai fan, là, t'sais, mordu, t'sais, un malade d'une des deux séries, va-t-il vraiment trouver son compte? C'est non, là que mon questionnement, t'sais, j'ai l'impression que quand tu dilues, ben, à vouloir plaire à trop de gens, tu te plais à personne, t'sais. Ouais, ben moi personnellement, je suis un grand fan de la franchise Professeur Layton. Je dirais, tu sais, un peu comme je l'ai mentionné, ça m'a un peu déçu à cause de la facilité des énigmes puis leur nombre réduit. Fait que même chose du côté de Phoenix Wright. Peut-être que tu sais, je suis pas un aussi grand fan de cette franchise là, mais ceux qui ont vraiment accroché aux différents jeux puis au procès, ben vont peut-être être un peu déçus par le fait que certains des procès soient moins prenants. Il y a quand même des nouveautés au niveau des procès, ça j'ai oublié de mentionner. Il y a quelques petites nouveautés intéressantes. Par exemple, vous allez pouvoir interroger plus qu'un témoin à la fois, puis vous allez pouvoir observer la réaction des autres témoins pendant qu'un autre témoigne, pour finalement relever des contradictions ou pour que les témoins s'engueulent entre eux. Fait que ça peut être bien le fun. Ah, OK, intéressant. Ouais, ça c'est le fun, là, j'avoue. Là. Surtout quand t'as un soulon dans la gang. C'est clair. Ouais, ça arrive dans le jeu en passant, c'est ouais. Vrai. Hey, je change de sujet parce que je m'en vais vers ma chronique à moi, mais c'était Rogue Legacy, hein, ton jeu l'autre fois là, avec les tableaux procédurales, là, que c'était toujours aléatoire, là. Fait, moi, mon jeu cette semaine, il y a un peu de ça dans le jeu. Ça s'appelle Platform Mines. Déjà, le titre nous indique pas mal qu'est-ce qu'il en est. On est dans une mine, c'est un jeu de plateforme. Imaginez, OK, c'est un mix de Rogue Legacy avec les tableaux qui sont faits de façon aléatoire, mixé avec un jeu à la... Mutant Mode Deluxe, que j'avais parlé plus tôt, il y a quelques semaines de cela, et d'un Borderlands. C'est vous dire, il y a beaucoup de trucs, il y a beaucoup d'éléments. Dans le fond, il y a du loot en masse, il y a de la plateforme, il y a du gun, puis il y a des tableaux procédurales. En fait, il y a un gros univers procédural, une map immense, Et comment ça fonctionne ce jeu-là? C'est relativement simple. On est au plein centre de la carte, qui est, je vous dis, vraiment immense. C'est tout dans le noir, sauf les endroits où est-ce que tu t'es rendu. Et le but, c'est d'atteindre des objectifs pour aller chercher des genres de guns, et je mets ça en parenthèse, qui vont nous permettre de créer des blocs de différentes couleurs. Ces blocs-là, on va pouvoir, en ayant toutes les différents guns, les créateurs de cubes, pouvoir recréer notre fusée pour pouvoir se sauver de cette mine-là. Et c'est ça l'objectif. Une histoire complètement... c'est loufoque, là. Ça sert pas à grand-chose. Le but, c'est simplement de dire, t'as un objectif, tu dois te rendre là, on te le pointe sur la map, on dit pas comment faut que tu te rendes, puis essaie de deviner. Tu peux pas creuser, tu peux pas détruire de blocs, tu peux juste avancer puis essayer de trouver ton chemin dans cet univers-là labyrinthique. T'as des armes, plus ça va, plus tu trouves du loot, plus tu te rends loin, plus tu t'éloignes du point central, plus les ennemis deviennent durs, plus leurs armes sont puissantes, plus les armes qu'ils laissent tomber à leur mort sont puissantes. Il y a des coffres de différentes catégories qui vont vous offrir plus ou moins de matériaux. Et tu atteins les différents objectifs jusqu'à avoir les 12 pistolets différents qui vont te permettre de pouvoir reconstituer la fusée, qui vont te permettre de t'en aller. C'est très très simple comme mécanique de base. Moi j'ai joué avec avec ma manette de 360 branchée sur mon ordi, mais tu pourrais y aller avec le clavier. Tu diriges avec les flèches, tu tires avec le bouton X et tu sautes avec le A. C'est aussi simple que ça. T'as un bouclier, ton armure, qui se régénère avec des matériaux que tu consommes. Tu tires les ennemis qui font différents dommages. À la Borderlands, un peu à la Diablo aussi, là. Selon ton arme, tu vas faire un range de dommages sur les ennemis jusqu'à les tuer. Les ennemis sont là par centaines de milliers dans le tableau. Tu fusilles partout, là. Y a du fun à avoir. Y a de la bébite à tuer. Et c'est ça. Y a du loot. Y a trois types de loot. Y a les armes qui sont de quatre catégories. Bazooka, un 12, un genre de fusil pompeux qui va frapper extrêmement fort, mais à courte portée. La petite la mitraillette et le handgun. Donc, quatre types d'armes. Après ça, tu as des roches, des minerais que tu vas pouvoir revendre pour de l'argent. En fait, tout se revend pour de l'argent. Et tu as des consommables qui vont te permettre de remplir ta jauge de protection qui est ta vie, en fait, en même temps. Et tu te promènes, tu atteins les objectifs. C'est vraiment très, très cool. C'est coloré. Il y a beaucoup d'ennemis. Il y a du loot partout. Il y a vraiment du fun à avoir. C'est très simple. On s'entend, là. C'est vraiment un petit jeu indépendant. C'est été développé, attendez un petit peu, par... la compagnie Magico Gaming, tout simplement. Et c'est de style 8-bit. Tu te promènes dans cet petit univers-là. Tu atteins les zones où est-ce que tu as tes objectifs, puis c'est tout. C'est super simple, mais ça fait la job. C'est pas super long. Ça m'a pris 5-6 heures passer à travers. Attendez un petit peu. Je vais essayer de trouver, voir à quel prix il est actuellement. Moi, je pense que je l'ai pogné dans un Humble Bundle. Je vais te dire ça, j'ai déjà Steam ouvert. Platform Minds, 9,99. Moi, je l'ai pogné dans un Humble Bundle. Donc, vraiment pas cher. Attendez d'avoir peut-être des deals si l'occasion se présente. Mais ce jeu-là, à 10$, c'est cher. Je vous le dis tout de suite, c'est un peu cher. Mais il y a du plaisir, il y a du fun à avoir. C'est pas un très, très long jeu, mais quand il y a un deal, en bas de 5$, ça va à peine. C'est sur Steam. Simplement, allez voir les vidéos sur YouTube ou encore sur Steam directement. Il y a des images. C'est un petit jeu, là. C'est bien, bien fun, bien agréable. Tu te casses pas la tête, tu décolles la game, tu joues 10 minutes, tu joues 5 minutes, tu joues une demi-heure, ça te tente, là. Tu fais bien la longueur de partie que tu veux, mais tu peux sauvegarder à peu près n'importe quand. Tu as des portails partout pour revenir à la zone centrale. Tu fais tes petites affaires. C'est juste le fun, c'est une traite de base. Mais j'aime ça, moi, un jeu qui ne s'enfonce pas dans différents concepts hyper compliqués pour rien, mais que ce qu'il décide de faire, les 2-3 trucs qu'il essaie de faire, qu'il l'atteint, qu'il le fait bien. Ouais. Simplement. C'est pas plus compliqué que ça. Ça sera pas une grosse note magnifique, généreuse, mais un 7.5, c'est un jeu honnête. Pour le prix, comme je vous dis, peut-être en bas de 5$, ça serait plus adéquat. 9,99$, je trouve ça cher un peu pour la longueur, mais belle petite idée, je suis bien content d'avoir tombé là-dessus, puis vive les Humble Bundle. D'ailleurs, il y en a un actuellement qui est... attends, un petit peu, je vois qu'il tapait ça dans Google, qui est mon ami. Le Humble Indie Bundle 12, actuellement, qui est en vente. Steam World Dig, Armor Watch, Gunpoint, Prison Architect, qui est vraiment excellent. Paper Please, qui aussi est très, très, très bon. Love Rouser, Gun Home, et encore d'autres jeux qui vont s'ajouter à ça. Et actuellement, au moment d'enregistrer, en bas de 8$, tu débloques tout, sauf Prison Architect, que tu dois payer plus que 10. Donc, encore une fois, il y a moyen d'aller pour une bonne cause grâce au Humble Bundle. Ouais, ouais, ouais. Ça met bien du jeu dans le backlog. Fait que je me retiens de temps en temps. Ouais, puis des fois, il y a des jeux qui reviennent dans des bundles plus subséquents. Ouais, donc, ouais. Moi, je vais passer mon tour pour celui-là, mais encore une fois, il y a des jeux fort intéressants. Puis j'écoute, j'ai un backlog de la mort, là. Fait que je vais prendre mon temps. Bonne cause, ça me rappelle de vous parler l'événement auquel je vais participer. Le 25 octobre prochain, c'est avec la gang de On n'a pas honte. Extra Life, depuis quelques années, organise des événements, des 24 heures de gaming non-stop. Et j'ai décidé de relever ce défi-là avec la gang de On n'a pas honte, avec Charles, entre autres, qui n'est plus l'animateur de cette émission. On le salue. Donc, je me suis mis un objectif, 100$ à ramasser pour Opération Enfant-Soleil. Allez sur le site de extra-life.org et tapez mon nom, Jean-Benoît Gagné, et vous allez retrouver ma page et vous pouvez m'aider à ramasser ces fonds-là. Le 25 octobre, c'est le gros événement. Puis on va essayer de, comme je disais lors de terminer le show, de mettre du monde sur l'émission, là, des entrevues en marge de cet événement-là. On essaie de créer un petit quelque chose, puis on va voir si ça peut fonctionner. Ce serait bien, bien cool. J'ai une idée assez farfelue. Si ça marche, je vais vous en parler. Ouais, ce serait pas pire. Aussi, hey, j'ai pensé à ça cette semaine. J'ai écouté un podcast. C'était quoi le show? C'était le bras de fer des films. Et à un moment donné, il dit à la fin du show, hop, parlez nous autres, partagez toute la patente. C'est vrai, on vous le demande aussi, c'est notre publicité. Et sur iTunes, plus vous nous donnez des bons résultats, vos notes, vos avis, plus on se ramasse haut dans les recherches de podcast. Donc, actuellement, on a 5 votes de 5 étoiles, on n'a pas de vote de moins de ça. Et on a un commentaire, le dernier date du 21 mai, par l'Alimette, qui dit super bon podcast. Les gars, merci beaucoup. Puis allez mettre vos reviews. Ça fait extrêmement plaisir. Nous autres, on fait ça bénévolement. Puis quand Daniel nous donne des jeux, on est vraiment contents. Pas pire. Pour à peu près 4-5 jeux de boîte que je te donne, j'en donne un bon à Luc. Ouais, exact. C'est, à un moment donné, il va falloir qu'on jase, toi et puis moi. D'ailleurs, je rappelle, le concours, on a deux copies du jeu Counting Kingdom. C'est terminé ça. Envoyez un petit courriel. Réalité hog at outlook.com pour... Juste pour spécifier, c'est deux clés Steam. Hein. Oui, c'est ouais. Vrai. C'est juste pour que les gens pensent pas que c'est sur iPad ou quoi que ce soit. Non, c'est vraiment deux clés Steam. Oui, pour Steam, oui, c'est donc vrai. Mac ou PC. Voilà. Ouais. Les gars, où est-ce qu'on vous rejoint? Qu'est-ce que vous faites sur le web? Comment qu'on vous retrouve? Vas-y, Luc. Moi, vous pouvez me retrouver sur Twitter à Scalazormo. Et puis, vous pouvez m'écouter sur le podcast auto qui est disponible sur iTunes ou sur le podcastauto.ca. Et puis, c'est pas mal ça. J'écris aussi pour Kijiji sur l'automobile. Fait que vous pouvez me lire sur frkijijiblog.ca dans la section véhicules. Puis, pour l'instant, ça fait pas mal le tour, je pense. C'est bon. Daniel, de ton côté? De toute façon, ça fait longtemps que je n'ai pas lâché un. Fait que je vais vous dire, allez à la librairie et achetez-vous le livre « Toi, ma lumière ». C'est inspiré de moi. Ouais, ouais. Je sais. Mais si vous voulez me rejoindre de façon plus modeste, vous pouvez toujours utiliser Twitter à DracoADG. D'ailleurs, j'ai quand même plusieurs personnes sur Twitter qui me jasent depuis que je suis sur le show. On trouvait ça très drôle, moi puis Jean-Benoît. Les gens avaient peur que, tu sais, ils pensaient que t'étais bête. Puis finalement, ben, on démystifie ça, tu sais, tranquillement. Les gens se rendent compte que finalement, ta face ne fit pas avec ton caractère. C'est correct. Mais en fait, tu sais, c'est comme... C'est parce que ce qui est drôle, toi puis moi, puis on s'en est jasé depuis un petit bout, là. Écoute, ça fait 16 ans que je fais ça, puis il fallait un show qui est parti de rien pour que ma popularité monte. Ouais, voilà. À un moment donné, la vie traite. Fait que Adraco a déchiré. Adraco ADG sur Twitter. Sinon, différents sites, affairesdegars.com. Je publie des articles sur les jeux vidéo, aussi sur le monde criminel, dont je fais partie directement. Mais bref, je m'avancerai pas plus. Hey, d'ailleurs, juste de même, je te demande ça pour le fun. Luca Rocco Magnotta au Palais de justice avec les 1600 ouais. personnes, ça ouais. doit être la foire, hein? Ça doit être assez intense. Ben oui, ben pour ceux qui l'ignorent, je travaille au palais de justice depuis à peu près un mois. Je vous confirme que ça ressemble à une jungle. C'est épouvantable. Il y a beaucoup, beaucoup de gens. Puis Dieu seul sait que moi, je joue au guide touristique avec ceux qui savent pas c'est où la salle des pour le jury. Fait que, mais oui, c'est très, très, très intense. Il y a beaucoup, beaucoup de médias aussi. Donc, c'est une... Ce que je trouve dommage, c'est que, tu sais, tout est mis, l'accent est mis là-dessus, mais il y a beaucoup d'autres causes, là, tu sais. Beaucoup d'autres causes aussi horribles. Tu sais, des crimes dégueulasses, là, j'en vois tous les jours, là. Fait que bref, voilà. Mais oui, pour répondre à ta question, c'est le cirque. Fait que sinon, pour me rejoindre, c'est ça. Il y a affairesdegars.com, il y a aussi épéelegendaire.com et le m2gaming.ca où vous pouvez me lire. Puis ça se peut que vous voyez mon nom dans le métro des fois apparaître. Pourquoi? Dans le métro de Montréal, là, je parle. Non, mais ben, pourquoi? Il l'a dit l'autre fois. Ben oui, je l'ai dit. Ah oui, oui, oui. J'ai mes critiques de jeu paraissent sur les écrans du métro. D'ailleurs, j'ai eu la surprise tantôt de débarquer du wagon puis de me retrouver face à face avec une de mes critiques. À quand la station Daniel Carosella, hein? À quand? Ville de Montréal, Déniaise. Ce sera pas long, là. J'ai l'enveloppe, là, sur mon bureau, là, l'enveloppe brune. Ouais, on le sait pas, hein? On le sait que c'est le même, ça marche, hein? On va commencer par la ruelle sombre, puis après ça, on montera par la rue, tu sais, le boulevard. Puis après ça, la station de métro. Puis ensuite, l'aéroport pour fenêtre. Mais non, moi, honnêtement, mon but dans la vie, c'est d'avoir un pont. Quand j'aurai un pont, là. Pour pouvoir tomber sur les gens. C'est jamais bon un pont d'avoir un pont à ton nom parce que quand le monde attend sur toi pour traverser, c'est vraiment pas intéressant. Ouais, mais il t'oublie pas. Non, c'est sûr. C'est clair. Puis toi, Jean-Benoît, où on peut te retrouver, c'est je sais pas, en tout cas. Je me fais plus rare sur les intertubes, un peu moins de projets, un peu moins de vagabondage. Il y a toujours mon Twitter, @gangj_b. Aussi ben tout ce qui est réalité augmentée, c'est, je gère les comptes officiels sur facebook.com/realitéhog @realitéhog sur Twitter. On est disponible via courriel realitéhog@outlook.com, realitéhog.com pour notre site internet. On est aussi sur une multitude de plateformes. Ça va de la zone technoculturelle à RZO Web. On est aussi sur Podium Radio, Podcast France. Et d'ailleurs, ça, j'en ai même pas parlé, je pense. Pas de radio du côté de l'Europe. On fait un genre de gala des meilleurs podcasts et on a été nominés dans la catégorie jeux vidéo comme meilleur podcast et on a fini troisième pour un podcast du Québec dans un gala en Europe. Je trouve ça très, très flatteur. Merci beaucoup pour les gens. Il y avait un vote du public là-dessus. Merci. Merci beaucoup. C'est très apprécié. J'ai une émotion. C'est une médaille de bronze, c'est bien. Ouais. Non. Mais je suis en troisième place. Ben oui. Je vous avais raconté ça, les boys. Je l'ai su dans mon déménagement. Fait que, tu sais, pendant que j'avais une bride d'Internet, j'ai vu ça passer. Puis, écoute, les communications étaient plus tough. Fait que j'ai même pas pu vous le dire. Quand je vous l'apprends là, we are the third. C'est le fun de l'apprendre à peu près, quoi, 2-3 semaines plus tard. Ouais, merci. Jean-Benoît, il est sur la coche. Pour être le premier informé sa nouvelle, allez voir ailleurs. tu sais, Jean-Benoît puis la motivation de son équipe, là, ben c'est ça. Je vois que c'est ça qui vous traîne, hein? C'est ça qui vous amène là où est-ce qu'on est, tu sais. Donc, voilà, c'est dit, on est troisième. Je sais pas le nombre de participants, je sais pas le nombre de votes, mais c'est annoncé via Twitter. Trois. Alors... Non, mais quand même, je sais pas, j'ai trois. C'est sur trois, tant mieux. Tant pis pour les autres, mais bon, on est troisième. On est content. C'était sur deux, ils ont décidé de nous donner plus de consolation. Ouais, c'était un bruit de participation. Voilà, c'est ce qui fait le tour pour cette semaine. On se dit à la prochaine fois dans un autre élément de la réalité augmentée. On a encore plein de belles choses à vous annoncer. Continuez à nous suivre. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci les boys. Merci à toi. Salut tout le monde. Bye. Bye.